Panel, ladies and gentlemen, blockbuster ce matin, Frédéric Sigrist. Alors, vous ne voudriez pas être à la place de Chloé Zhao. No comprendo, elle vient pourtant de recevoir l'Oscar du meilleur film pour Nomadland. Oui, Laetitia, mais j'ai envie de vous dire, c'est très facile d'avoir un Oscar en 2021. Il suffit de prendre un thème laissé à l'abandon par les gouvernements du monde entier, les travailleurs pauvres, les violences faites aux femmes, le réchauffement climatique, les migrants ou les personnes en situation de handicap, parce que la gauche, elle passe son temps à se faire des films. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle gagne jamais les élections. Vous allez chercher Tom Hanks aux États-Unis, Vincent Lindon en France, vous montrez une réalité très triste, au milieu vous filmez en accéléré un ficus en train de pousser à la Terrence Malick, et zou, vous l'avez votre Oscar, c'est pas compliqué hein. Par contre, réaliser un film Marvel Studios comme Chloé Zhao vient de le faire avec Les Éternels, ça, c'est compliqué. Ouais, mais en même temps, Frédéric, l'intrigue des films Marvel, c'est pas non plus d'une complexité folle. Oui, mais ça, Laetitia, c'était surtout vrai il y a 10 ans. Il y a 10 ans, réaliser un film Marvel, c'était comme trouver du travail pendant les Trente Glorieuses. C'était simple. Il y a 10 ans, tu pouvais te contenter de mettre Elon Musk en train de construire une armure dans la grotte de Chauvel et appeler ça Iron Man. Bim, un succès. Mais 10 ans plus tard, ils ont pris la confiance, les studios Marvel. On a fini avec Thanos, un géant violet avec un menton en forme de poivron, qui a fait disparaître la moitié de l'univers d'un claquement de doigts. Quand dans un film tu fais disparaître la moitié de l'univers, bah c'est difficile ensuite de faire rêver les spectateurs avec deux gars en collant qui se battent sur un parking à Argis. C'est là qu'arrivent Chloé Zhao et les Éternels. Alors, justement, qui sont ces Éternels, Frédéric ? Les Éternels, Laetitia, c'est une invention que l'on doit à Jack Kirby en 1976. Un dessinateur de génie avec une imagination de folie. On lui doit notamment Captain America, Galactus, le surfeur d'argent, Black Panther. En termes d'imaginaire, l'Iliade et l'Odyssée pour Jack Kirby, c'est ce qu'il appelle un week-end pépère. Et les Éternels, fascinés qu'il était par 2001, l'Odyssée de l'espace, et par le livre Le chariot des dieux, d'Eric von Daniken, c'est tout simplement sa version de la naissance de la vie et de l'univers dans le monde Marvel. L'évangile, selon Jack Kirby, rien que ça. Au commencement, Laetitia, il y avait les Célestes, des entités cosmiques extraterrestres plus grandes que des planètes, qui se sont livrées à des expériences génétiques sur des singes, ce qui a donné 3 espèces, les déviants, les humains et les éternels. C'est la même différence que pour les forfaits téléphoniques. Les éternels, c'est internet illimité avec la fibre, la box tout compris, tandis que les déviants, c'est un forfait 2 heures chez Free sur un vieux téléphone à clapet. Selon Jack Kirby, ces éternels seraient à l'origine des grands mythes de l'humanité. L'éternel Cersei serait à l'origine de l'histoire de Circé la magicienne, Macari aurait inspiré le mythe de Mercury, Mercure en français, etc. Jack Kirby, avec une démesure que seule la bande dessinée rend possible, a créé une mythologie de science-fiction qui englobe Darwin, les 3 grandes religions monothéistes et tous les mythes païens. Et Chloé Zhao arrive à raconter tout ça en 2 heures. Bah, la réponse est bien évidemment non, Laetitia, parce que c'est pas possible. Mais attention, attention, Chloé Zhao ne démérite pas. Elle essaie de réaliser un exercice impossible avec un certain talent. Il y a de très beaux décors naturels, la photographie est de toute beauté, le casting affiche une diversité qui fait du bien, tant en termes de couleur de peau qu'identité sexuelle. Franchement, on est dans le haut du panier de ce que peut proposer Marvel depuis des années. Mais bon, le cinéma a beau se mettre sur la pointe des pieds et tendre les bras, il n'arrivera jamais à la hauteur de l'imaginaire décomplexé de Jack Kirby. Et ça, ça n'a rien à voir avec le talent de Chloé Zhao, ni même avec une méthode de production de blockbuster à la chaîne, mais juste avec ce constat basique que beaucoup de producteurs et de spectateurs peinent à comprendre. La bande dessinée montre des choses dont le cinéma ne peut que rêver. La bande dessinée commence là où le 7e art s'arrête. Et j'ai envie de vous dire, lisez des bandes dessinées. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Merci Frédéric Sigrist.